بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. رسول الله عز وجل dit: Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, dans lequel se trouvent des versets clairs et limpides, qui eux sont la mère du livre, c'est-à-dire les bases du livre, du Coran, et d'autres qui sont à équivoque. Quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, une déviance dans le cœur, alors ils pourchassent et poursuivent les versets équivoques, et cela en vue de suivre ou de faire une fitna des troubles. On doit rechercher l'interprétation. Dans ce verset, il faut citer en tafsir, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, selon Aïcha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, karaha ahadil ayat, ces versets. Thumma qal, faizé ra'aytum allazina yujadiluna fihi, fahumul allazina anahumullahu fahdharuhum. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si même vous voyez les gens qui viennent pour polémiquer à propos du livre, c'est-à-dire qui recherchent des versets à équivoque, alors ce sont ceux-là que Allah a visé dans son, son livre, dans son verset. Prenez garde à ces gens-là. Wa ibn Kathir rahimahullah ta'ala yaqul fi tafsir hadhihi al-aya yukhbiru ta'ala anna fi al-Qur'an ayatin muhkamatin hunna umm al-kitab ay bayyinatun wadihatun wa dalala la iltibas fiha ala ahadin min an-nas. Qui dit Ibn Kathir que dans ce Coran, Allah nous informe qu'il y a des versets clairs et limpides qui sont la base du livre. Des versets dont les indications sont claires, les preuves sont claires, qu'il n'y a aucune ambiguïté pour les gens. Wa minhu ayatun ukhra fiha ishtibahun fi ad-dalala ala kathir min an-nas aw ba'dihim. Faman radda ma ishtabaha alayhi ila al-wadih minhu wa hakama muhkamahu ala mutashabih indahu faqad ihtada wa man akasa in akas. Il dit d'autres versets qui eux sont à équivoque, ont des choses qui se ressemblent, qui peuvent troubler des personnes, dont les indications ne sont pas claires, pour beaucoup de gens ou pour certaines personnes. Donc celui qui renvoie ces versets équivoques vers les versets clairs, c'est-à-dire qu'il juge, il prend le jugement du verset clair, d'accord, celui-là aurait été guidé. Quant à celui qui fait le contraire, qui va prendre des choses à équivoque pour pouvoir délaisser les choses claires, celui-là va dévier. Et cette voie-ci, ou cette voie-là, est celle qui a été suivie par les gens des passions qui ont eu une déviance dans le domaine de la aqida. Un exemple, comme dans le fait de dire que Allah est en tout lieu. Ils ont délaissé tous les versets citant que Allah azawajal est au-dessus des cieux, au-dessus du trône, de son trône, de son arche, mustawin al-arshi, pour aller prendre des versets comme « Wa ma'akum aynama kuntum » et il est avec vous où vous soyez. Des versets comme cela. En réalité, ces versets-là sont des mutashabihat qui, eux, reviennent au muhkamat. Mais eux, ils ont délaissé les versets muhkamat, wadiha, clair, pour pouvoir ensuite s'égarer en suivant les versets mutashabihat à équivoque selon leur compréhension à eux. Donc le shahid, là où je veux en venir, de cette mukaddima, ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, des gens qui s'apparentent à la salafia, agir de la sorte, prendre le même maslak que les gens des passions. En ce qui touche au sujet de la critique contre les gouverneurs, hukam et muslimin. Et là, j'aborde principalement le fait d'invoquer contre lui, c'est-à-dire d'invoquer contre un gouverneur en particulier, et cela en public. D'invoquer contre lui. Donc on revient à quoi? Avec toutes les preuves claires dans le Coran qu'on peut avoir comme verset, le verset dans le Coran et les hadith, il y a quoi des salafs? Ces gens-là ont agi de la sorte. Minha, qalu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu wati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs de pouvoir d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui tiennent le pouvoir parmi les musulmans. On ne parle pas des kuffar, d'obéir aux kuffar. Là, on parle d'obéir aux musulmans. Wa 'an Abdillah radhiyallahu anhu qala qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innakum satarawna ba'di atharatan. Et قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, certes, vous allez voir après moi des choses qui vous déplaisent, que vous allez blâmer, c'est-à-dire au sujet des gouverneurs. Ils ont dit que nous ordonnes-tu de faire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, rendez-leur leurs droits, c'est-à-dire vos gouverneurs, et demandez à Allah le vôtre. Et dans d'autres versions, Isbiru hatta talqawni ala al-hud. Dans une version, il dit, patientez, c'est-à-dire ce que vous allez voir comme chose, vous devez patienter, ne pas vous révolter. Ne pas vous rebeller. Patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bord du bassin. Le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana Anas radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Isma'u wa ati'u. Wa in stu'mila alaykum abdun habashiyun. Kaina ra'sahu zabiba. Rawal Bukhari kathalik. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam selon Anas. Obéissez et écoutez. Même si vous soyez sous l'autorité d'un esclave éthiopien, dont la tête serait comme celle d'un raisin, dont la tête serait comme la forme d'un raisin. Pour dire l'exemple dans lequel il y a le Moubala, pour dire même si une personne que vous voyez comme étant indigne d'avoir le pouvoir, si elle atteint le pouvoir, vous devez lui obéir, qui qu'elle soit, parmi les hommes et des muslims, bien évidemment. Wa an Salma ibn Yazid al-Ju'fi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واتعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, écoutez et obéissez, car eux endosseront ce qui est à leur charge, c'est-à-dire ce qu'ils auront commis comme acte, et vous ce que vous aurez commis comme acte. Ça veut dire les erreurs du gouverneur, ce n'est pas toi qui va les endosser, c'est lui qui va les endosser. Toi patiente, conseille, et toi tu endosseras tes propres erreurs à toi. Donc ne rajoute pas des erreurs en allant te révolter contre lui. Wa an Huzaifa radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tasma' wa tuti' lil-amir wa in daraba dhahrak wa khadha malak fasma' wa ati'. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute et obéis à celui qui a le pouvoir, même s'il venait te frapper le dos ou à prendre ton argent, tu écoutes et tu obéis. Rawahu Muslim. Ce genre de hadith, ils sont très très durs pour le nefs des khawarij et des gens qui ont un penchant vers leur minhaj. Pourtant, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et parmi les quotes des salafs que nous avons, An Omar ibn Fadl qala sa'altu Aba Ala ou Aba Ala a asub al-hajjaj yani ibn Yusuf fa qala ad'u lahu bi salah fa inna salahahu khayrun lak. Qui l'a dit? Omar ibn Fadl, il a interrogé Aba Ala, est-ce que je peux insulter al-hajjaj ibn Yusuf qui était le gouverneur à l'époque et qui était une personne extrêmement injuste. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Abu al-A'la? Il lui a dit, invoque la réforme pour lui, invoque pour lui qu'il obtienne la réforme, car sa réforme sera meilleure pour toi. Cela rapporté par l'imam Ahmed dans Zohd, parmi les Zawaid que son fils a rajouté. Et dans les Shu'ab, Al-Iman de Al-Bayhaqi, selon Abu Uthman Sa'id ibn Ismail, Anna Ukana Yaqul, فانصح للسلطان واكثر له بالدعاء بالصلاح والرشاد والرشاد بالقول والعمل والحكم فانهم اذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم صلح العباد بصلاحهم واياك ان تدعو عليهم باللعنه فيزداد شره ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادعو لهم بالتوبه فيتركوا الشر فيلتفع البلاء عن المؤمنين. ابو عثمان الى دي conseil le gouverneur et fait beaucoup de dua pour lui qu'il obtienne la réforme et la droiture. Et cela dans ses paroles, dans ses actes et dans son jugement. Car si jamais il obtient la réforme, cette réforme-là sera également pour les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont sous son pouvoir. Et prend garde d'un avocat contre lui qu'il soit maudit, car cela menace que son mal augmente, ce qui ajoutera encore plus de mal sur les muslimines. Mais cependant, invoque pour lui, d'accord, qu'il se repente, afin qu'il délaisse le mal, et que, justement, que les muslimines soient préservés de ces calamités. وفي شرح سنة قال الإمام البربهاري إذا رأيت رجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب هوى. Si jamais tu vois l'homme invoquer contre le gouverneur, c'est ce que tu as affaire à un homme qui suit ses passions. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Par contre, si tu vois quelqu'un qui invoque pour lui en sa faveur, alors sache que tu as affaire à quelqu'un qui fait partie de la sunna إن شاء الله. ويقول فضيل ابن عياض لو كانت لدعوة Ma ja'altuha illa lis-sultan. Si jamais j'avais une invocation qui devait être exaucée, je n'adorerais que pour le gouverneur. Et il fut rapporté une parole semblable de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Wa qad rawa al-Khallal an al-imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, annahu qala: "Wa inni la'ad'u lahu bit-tasdid wat-tawfiq fi al-layl wan-nahar wat-ta'yid, wa ara lahu dhalika wajiban 'alayya." Qu'il a dit, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, que certes, j'invoque pour le gouverneur qu'il soit juste et qu'il obtienne la réussite, et cela nuit et jour, et qu'il ait le soutien, c'est-à-dire dans le bien qu'il fait. Et je vois cela comme étant obligatoire sur moi d'invoquer pour lui. Il fut rapporté de certains salafs qu'il disait: لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لا عجل لملوكهم العقاب. وذكر ذلك ابن الرجب في مختصر في معاملة الظالم السارق. Que l'Ibn Rajab rapporte de certains salafs qu'ils aient dit que si jamais les gens devaient invoquer contre leur gouverneur, contre leur roi, alors cela pourrait accélérer le châtiment contre eux. Et ce châtiment contre eux toucherait tout le monde. Donc on dit, avec toutes ces paroles claires et limpides, des gens vont aller chercher des mutashabihat, des paroles équivoques. Pourquoi ? Pour délaisser tout ce texte clair, comme le font les gens des passions. Et parmi ce qu'ils prennent comme, ce qu'ils pensent comme étant des arguments pour pouvoir invoquer contre le hakim, contre le gouverneur musulman en public, ou bien l'insulter, ou bien se rebeller contre lui, des hadiths, les deux que j'ai pu voir, qui sont souvent répétés, il y en a un, les deux sont rapportés par les musulmans, rahimahullah ta'ala. Un des deux, c'est selon Aouf ibn Malik, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, khiyar a'immatikum allazina tuhibbunahum yuhibbunakum, yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, wa shirar, شرار أئمتكم الذين تبعدونهم ويبعدونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Les meilleurs des gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et qui font la salade sur vous, qui font votre éloge, donc vous faites des éloges également, pour que vous invoquiez en bien. Et les plus mauvais d'entre eux, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez, que vous insultez, et qui vous maudissent, qui vous insultent. Il fut dit au message d'Allah: est-ce que nous allons sortir contre eux avec l'épée? Il a dit non, tant qu'ils accomplissent la salade, d'accord, que la salade est accomplie en votre sein. Et si vous voyez une chose que vous détestez, alors détestez l'action, cet acte. Ne lui désobéissez pas. Wa kadhalika, deuxième hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi bayti hadha: Allahumma man wulliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fashkuk alayhi, wa man wulliya min amri ummati shay'an fa rafaqa bihim farfiq bih. Qu'elle a dit: j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire dans ma maison: ô Allah, celui à qui est accordée une autorité sur une affaire de ma communauté, une affaire des gens de ma communauté, et qui leur complique la tâche, alors complique la tâche, dans le sens. Et celui qui aurait eu une autorité quelconque, une responsabilité quelconque sur ma communauté, et qui leur facilite la tâche, qu'il est doux envers eux, alors soit doux envers lui. Voilà les deux hadiths que j'ai pu voir dont ils se servent le plus. Et ces deux hadiths ne sont en rien des hujjaj, des arguments pour eux. Tout d'abord, le premier hadith de Aouf ibn Malik, déjà à la fin du hadith, elle est claire. Lorsqu'il a dit: vous ne sortez pas contre eux, d'accord, et vous devez leur obéir. Awalan, en premier lieu, ce hadith, comme il yukal, hadha min bab al-ikhbar, la yata'alaku bi hukm shar'i. À la base, c'est une chose, ce qu'on appelle une information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe d'une chose, et cette chose-là n'est pas légèrement légiférée. C'est-à-dire qu'il informe d'un fait que les meilleurs des gouverneurs sont ceux-ci, et les pires sont ceux-là. Sont ceux que vous maudissez, que vous insultez, ainsi de suite. Il n'a pas dit que vous devez les maudire et les insulter. Cela n'est pas légèrement, c'est une information. Et ce n'est pas toute chose dont il informe que cela veut dire qu'il approuve ou qu'il agrée. Ou le contraire. C'est un irbar faqat. Mathalan, comme a parlé Azza wa Jal, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. Oh, والله بما تعملون بصير. Qu'il est celui qui vous a créé parmi vous le mécréant et parmi vous le croyant, et que Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Dans ce verset-là, il dit quoi? Parmi vous le mécréant. Il informe que parmi nous, il y a des mécréants. Ça veut dire qu'il agrée le kufr. D'accord, Allah ? Wa la yardo al-ibadi al-kufr, dans d'autres versets. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et ça, c'est connu. Pourtant, il informe qu'il y a des kuffars parmi nous. Est-ce que cela veut dire qu'il agrée ? Non, c'est il informe qu'il y a parmi nous des croyants et parmi nous des mécréants. Waqala ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Zalika huwa al-fadl al-kabir. Il a dit ensuite, nous avons fait hériter le livre ceux que nous avons élevés parmi nos serviteurs. C'est-à-dire nous leur avons fait hériter le livre. Parmi eux, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Parmi eux, ceux qui sont sur le juste milieu. Et parmi eux, ceux qui se devancent dans le bien, par la permission d'Allah. Et cela est la grande et la grâce immense. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal ? Parmi eux, certains sont injustes envers eux-mêmes. Il informe une fois de plus. Est-ce que Allah, il agrée pour nous l'injustice ? Non. Ni pour nous, nous envers nous-mêmes, c'est-à-dire par les péchés, ni pour les autres. Allah n'aime pas les enlimines, sous toutes ses formes. Kazalik, exemple d'information que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, dont on ne juge pas, dont on n'émet pas un jugement, fi hadith Abi Huraira, عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم فتكثر الزلازل ويتقرب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيد. Il a dit صلى الله عليه وسلم que l'heure n'aura pas lieu tant que la science ne sera pas ôtée de vous, elle ne sera pas retirée, qu'il y aura plein de tremblements de terre et que le temps se rapprochera, c'est-à-dire que le temps sera court. Et également que les fitnes, les troubles vont apparaître et qu'il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. Et que l'argent viendra en abondance. Est-ce que ça veut dire que le meurtre et les fitnes sont une chose qui sont agréées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Sûrement pas. Quand Allah, innama sa'id majnub al fitan. Que le bienheureux, celui qui a évité les troubles. Wa anabi ya'la min hadith abi hurayra. Quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa allazi nafsi biyadih. لا تفنى هذه الأمة حتى يكون الرجل للمرأة فيفترشها في الطريق فيقول خيارهم لو وريتها عن الطريق. Qu'il est dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, que cette communauté ne s'éteindra pas tant qu'on ne verra pas, c'est-à-dire parmi les signes, avant que cela n'arrive, l'homme qui forniquera avec la femme dans la rue. Et le meilleur des gens, c'est-à-dire de ce lieu-là, à cette époque-là, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui dira pourquoi ne te caches-tu pas pour faire cela plutôt que de le faire dans la rue. C'est pas cet homme-là le dira, ne le fais pas. Il le dira, va le faire en te cachant. Ça sont les meilleurs des gens à cette époque-là, à ce moment-là. Et ce hadith est authentifié par l'Albani. Ça c'est d'une part. Donc là, c'est une babel irba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe. D'autre part, il est connu qu'il n'est pas permis de maudire le musulman ou de l'insulter. Ce n'est pas permis à la base. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن دحاك قال من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن كذب مؤمنا بكفر فهو كقتله. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que celui qui maudit le croyant, c'est comme s'il l'avait tué. Et que celui qui l'accuse de mécréance, c'est comme s'il l'avait tué. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que le fait d'insulter le musulman, cela est de la perversion et que le fait de le combattre, cela est de la mécréance. Et c'est du kufr asrar, la mécréance mineure, bien évidemment. Donc comment cela devenait-il soudainement permis, surtout envers les gouverneurs ? À la base, c'est interdit entre nous, de façon générale. Maintenant, insulter, il y a des cas particuliers. Il y a des cas où c'est déjà arrivé, que l'insulte a été faite. Tant que ce n'est pas une insulte de fourche, de choses vulgaires et grossières. Cela, dans certains cas, ça a été admis. Mais la base, c'est que cela n'a pas été fait. Et maudire une personne qui est vivante, ne serait-ce même que ce soit un mécréant, cela n'est pas permis à la cour de Sahih. Malgré la divergence, cela n'est pas permis. Donc, qu'en est-il d'aller maudire le gouverneur musulman en public ? Troisièmement, Kazalik, si on devait comprendre le hadith comme ces gens-là l'ont compris, ça veut dire qu'il serait également permis, d'accord ? Il serait également permis au gouverneur de nous maudire et de nous insulter. Hada Markoul, est-ce que cela est accepté ? Est-ce que cela a une raison pour l'accepter ? Ce n'est pas permis. Qu'un gouverneur vienne, il ait le pouvoir, après il insulte les gens et il les maudit. Ce n'est pas permis cela. Pourtant, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que nous on va le faire et que lui aussi il va le faire. Donc c'est une information et non pas un jugement à en tirer. Ça, ce concerne le premier hadith. Amal-Thani, le deuxième, premièrement, on va dire qu'il s'agit d'une menace venant dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour toute personne à qui Allah aurait donné autorité sur une autre, parmi les gens de la Ummah. C'est une menace, ce hadith-là, en guise d'avertissement. Cela n'est pas spécifique au gouverneur. Comme Cheikh Al-Fahmi l'a expliqué dans ce hadith, « قال وَهَذَا دُعَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ حَتَّى الْإِنسَانِ يَتَوَلَّى أَمْرَ بَيْتِهِ وَحَتَّى مُدِيرَ الْمَدْرَسَةِ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْمَدْرَسَةِ وَحَتَّى الْمُدَرِّسَ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْفَصْلِ وَحَتَّى الْإِمَامَ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْمَسْجِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Il s'agit là d'une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, contre toute personne qui aurait une responsabilité d'autorité sur les musulmans, que ce soit une autorité particulière comme les gouverneurs, ou alors générale, ou plutôt générale comme les gouverneurs, ou particulière comme l'exemple qu'il donne, par exemple, un homme dans sa maison, avec sa femme, ou avec ses enfants, par exemple, il donne trop de tâches à faire qu'il ne supporte pas, ce droit le concerne. Ou alors il dirait un directeur d'une école qui donne trop de choses, de charges au professeur, par exemple. Cela, il est inclus dans le doha. Ou alors un professeur avec ses élèves, il leur donne trop de travail. Cela également. Ou un imam dans un masjid, il serait trop dur avec les moussoliyines. Il fait des salades trop longues. Il fait des trous de bas trop longues. Dans la chaleur. Cela le concerne également. Toute personne qui a autorité sur une autre dans l'islam, et qui est trop dur avec les gens qui sont à sa charge, ce doha le concerne. Ce n'est pas propre au gouverneur en soi. D'accord ? Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, il est probable que cette invocation ne soit propre, ne soit que de ses rassa'is à lui, au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit lui qui dit cela, ça ne veut pas dire que nous on doit dire comme lui. Ça c'est un doa que lui fait, que Allah lui répondra, lui accordera en sa faveur. Et cela, comme on avait dit, en guise d'avertissement. Tout comme, la preuve en cela, cela a déjà été fait en guise de rahmah. Comme a déjà fait hadith Abi Hurayra, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu, فَجَعَلْ ذَلِكَ لَوْ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Oh Allah, tout muslim que j'aurais offensé, une chose qu'il n'a jamais faite, bien évidemment, mais il dit, pour montrer sa rahma immense envers sa communauté, il a dit, donc fais que cette offense soit pour lui un rapprochement vers toi le jour de la résurrection. C'est-à-dire, ce que je lui aurais fait comme mal, comme injustice, chose qu'il n'a pas faite, fais en sorte que cela se change au Melkiyama et soit en sa faveur. Donc, est-ce que toute personne aura ce doha-là à faire? Non, ça ce n'est que pour lui. Ben, il se peut que ce doha-là, qu'il ait fait également parce qu'il part de sa umma. Man shaka ala ummati. Il a dit, il est sur ma communauté. D'accord? Donc, ça c'est encore autre chose. Troisième point qu'on pourrait citer également, par lequel on pourrait répondre, cela est un descriptif général. Ada wasf am. Qu'il ne s'applique pas à toute personne en particulier. Nuance. Car déjà, on prend des choses générales et l'applique sur des gens en particulier. Car des fois, tu as des mawani, tu as des shurut, des conditions qui doivent être remplies, des empêchements qui doivent être absents. Ce n'est pas tout KLM, mais général qui vient, tu l'appliques sur le premier venu qui a fait la chose. Et eux, ils prennent ce doha-là général et l'appliquent sur un gouverneur en particulier, devant tout le monde. Fal KLM, ala al-hukm al-muta'alak bi-shars, lisa al-muta'alak bil-wasf. Ce qui concerne une personne en particulier n'est pas ce qui concerne une chose générale ou une description générale. Des fois, on va dire, telle personne qui fait telle chose, elle aura telle chose. C'est général. Et maintenant, Foulen, tu as fait telle chose, tu auras telle chose. Ça, c'est particulier. Et également, on va dire quoi? Layon karamunkar mawan karaminho. On ne fait pas l'approbation du blâmable par une chose qui est encore plus blâmable qu'elle. Comme eux, ils le font là. Car le doha envers le gouverneur, c'est une forme de sortie contre lui. C'est une rébellion contre lui. On n'empêche pas un mal par un plus grand mal. Et bien évidemment, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va rectifier l'erreur du gouverneur. Comme Yokol. Est-ce qu'on va essayer d'ôter une chose que Allah a voulu, Kauniyan, dans le décret universel, par un acte qui n'a pas voulu, exactement, Shal'an, en faisant une chose qui n'est pas légiférée? Ça, c'est impossible, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, cette chose-là. Là, j'aimerais citer deux fatwas. De deux imams de cette époque, bien évidemment, concernant cette mas'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, fut interrogé dans son majmou' fatawa par rapport à ceux qui ne veulent pas faire d'invocation pour le gouverneur. Là, c'est même pas celui qui invoque contre lui. Là, celui qui ne veut pas invoquer pour lui. قال هذا من جهله وعدم بصيرته لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم الكربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. Donc, il a dit cela fait partie de son ignorance. La personne qui agit de la sorte, c'est un ignorant. et de son manque de clairvoyance. Car l'invocation pour le gouverneur, cela est parmi les plus grands actes de rapprochement, parmi les plus grands actes d'obéissance. Et cela est une nasiha pour Allah ainsi que pour ses serviteurs. Donc il a dit, le musulman il invoque pour les gens dans le bien. Soumakala, wa sultan awla man yud'a lahu. Lina salahahu salah lil umma. Faddu'a lahu min aham ad-du'a. Wa min aham an-nusah. Donc il a dit, et le gouverneur a encore plus en droit qu'on invoque pour lui. Car sa réforme, ça la réforme pour toute la communauté. Et l'invocation pour lui parmi les plus importantes. Ou parmi les plus grands conseils qu'on puisse lui prodiguer. An yuwafaq lil haq wa yu'an alayhi. Yusihu Allahu lahu al-bitana. Wa yakfiru Allahu shar nafsihi wa shar julasa as-su. Wa du'a lahu bit-tawfiq wal-hidayah wa bis-salah al-qalb wal-amal wa salah al-bitana wa min aham al-muhimmat wa min afdal al-qurabat. Il a dit quoi? Qu'on invoque pour lui que Allah lui accorde la réussite pour la vérité. Et que Allah l'aide dans cela. Et que Allah lui réforme son entourage. Et que Allah l'épargne de son propre mal et du mal des mauvaises fréquentations. Donc on invoque pour lui pour le tawfiq et qu'il soit guidé. Et que son cœur soit réformé. Et ça c'est parmi les plus grands actes de rapprochement. Donc attention nuance. Invoquer pour le gouverneur. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre, ne veut pas dire forcément de faire son éloge s'il fait du mal. Ou de demander qu'à Allah que ce qu'il fait, qu'il reste dessus. Ça peut être un dora, sans l'air, qu'Allah le réforme. On sait qu'il y a un mal en lui, et que des choses qu'il fait qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce qu'on dit? Plutôt que de dire Allah détruis-le, ou maudis-le, ou fais-le disparaître, on dit Allah arrange juste sa situation. Fais qu'il devienne meilleur, guide-le. C'est ça qu'il veut dire, cher Bounbez. Comme des gens font croire que quand on fait dora pour le gouverneur, ça veut dire forcément qu'on aime ce qu'il fait, qu'on agresse ce qu'il fait, qu'on demande s'il continue à faire ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai, ça c'est un mensonge. ثم قال ابن باز رحمه الله تعالى وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان ويروى ذلك عن ابن عياد. Donc il fait rapporter l'imam Ahmed qu'il a dit si je savais que j'avais une vocation qui était exaucée, alors je la garderais pour qui? Pour le gouverneur. Dans son Majmou de Fatawa, volume 8, verset 210. Également, cher Al-Sami, même question par rapport à celui qui n'invoque pas pour le gouverneur. قال الذي لا يدعو للسلطان فيه بدعة من بدعة قبيحة وهي الخوارج الخروج على الأمة. Il a dit que celui qui n'invoque pas pour le gouverneur a en lui une innovation qui est immonde, celle du khuruj, la sortie contre les hukam, comme les khawarij. قال ولو كنت ناصحا لله ولكتاب ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعمتهم لدعوت للسلطان لأن السلطان إذا صلحت الرعية أما بعد. طيب il a dit quoi? Car si jamais tu étais vraiment quelqu'un qui conseille pour Allah, pour son livre et pour son messager et pour la communauté ainsi que pour les gouverneurs des musulmans et pour les gens de la masse, tu aurais invoqué pour lui car sa réforme est une réforme pour tous ceux qui gouvernent. أما بعد الناس إذا رأى من سلطانه انحرافا فقيل ادعو الله أن يهديه قال لا لا هذا لن يهديه الله ولكن أدعو الله أن يهلكه إذن فكيف لا يهديه الله أليس الله قد هدى بعض أئمة الكفر. Et certaines personnes, lorsqu'ils voient du gouverneur une déviance et qu'on lui dit invoque pour lui que Allah le guide, il dit non, Allah ne le guidera pas, j'invoque Allah qui le détruise. Donc on dit comment cela Allah ne va pas le guider? Allah n'a-t-il pas déjà guidé des imams ou des gouverneurs parmi les kuffars? Comment ne va pas guider un parmi les muslimines? قال ثم إذا قدر أن الله أهلكه كما تحب أنت الآن من الذي يتولى بعده من البديل الآن الشعوب الطيب. Et il dit maintenant admettons que Allah fasse qu'il le détruise comme toi tu l'aimes aujourd'hui, comme tu le souhaiterais aujourd'hui, qui donc lui succéderait à ce gouverneur, qui le remplaçant, qui viendra après lui. الآن الشعوب العربية التي قامت عليها الثورة أسأل أهل البلدان أيوة أحسن عندما كانت البلاد ملكية أو لما كانت ثورية سيكون عندما كانت ملكية أحسن بألف مرة وهذا شيء واضح. Il a dit aujourd'hui les peuples arabes qui ont fait des révolutions, on demande aux gens de ces pays-là, qu'est-ce qui était mieux lorsque ces pays étaient un régime royaliste, une monarchie, ou bien lorsqu'ils sont devenus un régime révolutionnaire. Ils diront tous unanimement, d'accord, ceux qui sont sincères bien évidemment, que lorsque c'était une monarchie, un régime royaliste, ça aurait été meilleur 1000 fois. Et il dit ça, c'est une chose qui est claire. Et ça, c'est dans son kitab, l'école Bab al-Maftour, Rakm 169. Et le khuruj, on a vu, c'est quoi les conséquences. Et si certains venaient à trouver des affaires de salaf, ce qui est possible, je n'en ai pas connaissance, nous citons que un d'entre eux, deux d'entre eux, aurait mathalan invoqué contre le gouverneur. C'est possible qu'on trouve des affaires où certains ont agi de la sorte. Ça ne serait pas en quoi, ce sera en rien un argument, à la base. Ça peut être un ishtihad de sa part. Ils ne sont pas infaillibles. Leur voix est infaillible, mais les individus ne le sont pas eux. On l'a déjà vu dans des masaïl, même des sahaba, on a déjà fait des erreurs sur des masaïl. Ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le call du sahabi qui est une erreur pour dire, regarde, c'est une preuve qu'on peut faire la chose. On dit non, sur ce call-là, le sahabi n'a pas vu juste. Et le dalil est contre ce qu'il a fait. Donc on va quand même quoi ? Le dalil, bila shak. Mais en tout cas, en ce qui concerne les ayats, les versets et les hadiths, eux, ils sont clairs. Et les salafs sont sur cette voie-là. Maintenant, comme on le dit, qu'un individu ait fait un ijtihad sur une mas'ala et soit opposé au adillah, ça peut arriver, ça. Mais ce n'est pas une preuve en soi. Pour que des gens puissent dire, ouais, on a un tel qui a déjà fait un doigt contre le gouverneur, ou un tel. Ce sont des individus qui ont fait des choses à part, d'accord, dans des situations particulières. Ce ne sont pas des adillahs à prendre. Donc ces gens-là, qui agissent de la sorte, vous savez quoi en général ? Ce sont des gens qui sont loin du ilm. Ils prennent les harbars sur les gouverneurs, dans les informations, dans les journaux, sur internet, dans les réseaux sociaux. Informations qui viennent de qui ? Des koufars, ou de journalistes musulmines qui n'ont pas, qui sont pas mustaqimines, qui eux l'appellent à la révolte. Et les journalistes sont des menteurs. Il est marahimallah. Et s'ils ne sont pas des menteurs, généralement ce ne sont pas des gens mustaqimines. Et eux, ces gens-là, prennent ces informations-là et rentrent dans le jeu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à insulter les gouverneurs. Un tel, c'est un zindiq. Un tel, c'est kaza. Un tel, c'est kaza. C'est kaza. Non. Et j'aimerais finir, là, en lisant une parole de Cheikh Al-Othaymin, également très, très intéressante. Elle est déjà traduite sur le site. Mais, alhamdoulilah, nastafid minha. Je la laisse directement en français parce que je gagne de temps. Là, pour ceux qui, en plus, cette parole-là, il est cité en commentaire dans l'explication du premier hadith. Qui parle de ceux qui maudissent les gouverneurs et qui les détestent. Dans le même hadith, il a dit cette parole-là, ce commentaire-là. Il parle à propos de ceux qui exigent que le gouverneur soit complètement mustaqim pour pouvoir lui obéir. Il dit, quant au propos de certains faibles d'esprit, qui disent, il ne nous est pas obligatoire d'obéir au gouverneur, sauf s'il est complètement droit, c'est-à-dire en religion. Il dit, il s'agit là d'une erreur, d'une faute. Cela ne fait partie en rien de la législation. Mais ça, c'est la voix des Khawarij. Ceux qui veulent des gouverneurs qui soient droits en religion à tous les niveaux. Cela n'a plus lieu depuis longtemps, car les choses ont changé. Il fut rapporté que l'un des rois des Bani Umayya a entendu les gens parler en mal de lui à propos de son khilafa, de son gouvernement. Donc il réunit alors les gens les plus nobles. Ils se rendirent auprès de lui et il se mit à parler sur eux en disant « Vous attendez de nous que nous soyons comme Abu Bakr et Omar ?» Ils disent « Oui, en effet, car tu es le khalifa au même titre qu'eux. » Il dit alors, soyez-vous d'abord comme les gens qui étaient sous le khalifa d'Abu Bakr et de Omar, afin que nous puissions être à leur exemple. C'est-à-dire, vous commencez et nous suivrons, Inch'Allah. Donc là, il s'agit là d'une excellente réponse de sa part, comme dit Cheikh Al-Othaymin. Si les gens changent, c'est obligatoire qu'Allah change leur gouverneur, avec l'époque. Vos gouverneurs seront à votre image. Mais les gens veuillent qu'ils soient comme les califes, qu'ils soient comme les califes bien guidés, alors qu'eux-mêmes sont les gens les plus éloignés de ceux qui gouvernaient, c'est-à-dire ceux qui étaient gouvernés par les Khulafa al-Rashidin, cela n'est pas possible, car Allah est sage. Qu'Allah ta'ala, « وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَنُوا يَكْسِبُونَ » Dans le sens où Allah dit, « Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. » Les bestiaux, verset 129. Il poursuit en disant, « Ils citèrent qu'un homme, faisant partie des Khawarij, de ceux qui ont combattu Ali ibn Abi Talib, se rendit auprès de ce dernier en disant, « Ya Ali, que s'est-il passé ? Les gens se sont mis à changer avec toi. » Alors qu'ils ne changeaient pas avec Abu Bakr al-Omar. Il veut faire comprendre que toi, tu as changé. Donc les gens, ils ont changé également. Alors qu'avant, c'était mieux. Il répondit à Ali, car les gens qui étaient sous leur autorité, c'était moi, c'est-à-dire moi Ali, ainsi que mes semblables. Alors que mes gouvernés, ce sont toi et tes semblables. Et là, chérie, c'est une très bonne parole de la part de Ali. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien en toi, c'est-à-dire toi qui as fait cette remarque-là. Donc les gens ont changé avec moi, alors qu'à l'époque d'Abu Bakr al-Omar, c'était des gens comme Ali. Othman ibn Affan et d'autres compagnons de mérite, alors qu'ils n'ont pas changé avec leurs dirigeants. Naam. Donc là, ça s'achève la parole du cheikh Othaymin. Et Namakal Azawajel, Zalika bien Allah, lam yakum ghayran ni'matan an'amaha lakumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa inna Allah samiun alim. Et c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Allah est audient et omniscient. Ça, c'est un verset qui est azim à comprendre. Que si on veut que les choses changent, nous devons changer nous-mêmes. Donc avant de s'en prendre au gouverneur, nous devons nous réformer nous-mêmes. Pas même, et parmi les asbeb de cette réforme-là également, qu'on invoque pour eux et non pas contre eux. Had alladhi kuntu uridu. Naam. Donc, ça, c'était le kalam qui était le maqsoud en guise de réponse à ces ambiguïtés. Naam. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.